question c'était sur ceux qui permettent de faire du shirk sans être contraint. Comme par exemple le tahakkum ila at-taghut. Premièrement, on avait vu dans les premiers cours sur les principes du takfir. Qu'il faut faire la différence entre le asl du tawhid et les branches du tawhid. Est-ce que vous venez de ce principe de la différence en fait, de la différence à faire entre la racine de l'islam et les branches de l'islam? Vous vous souvenez de ce principe? On avait parlé qu'une chose ne fait pas partie de la racine du tawhid. Une des choses qui nous prouve qu'une chose ne fait pas partie de la racine du tawhid et qui nous prouve que le tawhid peut exister même sans ça, c'est par exemple le fait que ce soit une chose qui n'a pas existé chez tous les prophètes. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous vous souvenez, si une chose par exemple était permise chez un prophète et interdite chez un autre prophète, on ne peut pas dire alors que l'islam, que le tawhid ne peut exister sans cette chose. Vous comprenez ce que j'ai dit ou pas? Ben, par exemple, si une chose était permise chez un prophète et que ça nous a été interdit à nous, par exemple, ou bien une chose nous est permise à nous alors que ça a été interdit à d'autres prophètes, par exemple. Le tawhid, voilà, le tawhid, il ne change jamais. Le tawhid ne change jamais d'un prophète à un autre. La seule chose qui change, c'est la charia. Par exemple, le fait de dessiner des statues, de sculpter des statues d'animaux ou d'êtres humains. C'était une chose qui était permise dans la charia du prophète Suleyman, alayhi salam. Et puis cette chose a été interdite dans notre religion et dans d'autres religions. Ben dans d'autres, je veux dire religion, je veux dire dans d'autres sharia. Dans notre sharia, ça a été interdite et ça a été permis dans la sharia de Suleyman alayhi salam. Puis il y a des choses qui étaient interdites chez d'autres qui ont été permises chez nous. Et puis il y a des choses qui au début étaient permises dans notre religion et puis qui ont été interdites, comme le vin par exemple ou autre. Par contre, le tawhid, lui, il est le même chez tous les prophètes, alayhim salat wa salam. Ce qui prouve que toute chose qui diffère d'une loi à une autre est forcément une chose sans laquelle l'islam peut être quand même valide. C'est-à-dire, les choses qui diffèrent d'un prophète à un autre, cela fait automatiquement partie des choses qui ne sont pas une condition de validité de l'islam, du tawhid, on va dire. Et chez qui l'islam peut exister même s'il ignore cette chose ou s'il se trompe à ce sujet. Comme on l'avait vu par exemple, l'interdiction du vin, celui qui ignore qu'Allah interdit le vin ou qui pense qu'Allah a permis le vin dans un verset, il n'est pas forcément un mouchrik jusqu'à ce que la preuve lui soit établie et qu'après ça il s'entête ou qu'il refuse ou qu'il démente après que la preuve lui soit clairement établie. Comme c'était arrivé au compagnon Qudama ibn Maz'un radiyallahu anhu, qui a cru qu'Allah azza wa jalla lui avait permis de boire du vin à condition d'être pieux. Il a donc cru que le vin était halal pour certaines personnes dans certains cas uniquement. Il n'a pas dit que le vin est halal pour tout le monde, mais il a cru que le vin était halal pour certains genres de personnes dans certaines situations bien précises. Et donc il a fait un ta'wil dans une chose qui fait partie de la racine de l'islam ou des branches de l'islam. Une chose qui fait partie des branches de l'islam, parce que celui qui fait un ta'wil dans la racine de l'islam sans lequel l'islam ne peut être valide, et donc ça l'amène à ne pas à s'opposer à une chose sans lequel l'islam peut être valide, il sort de l'islam même si c'est à cause d'un ta'wil. Celui qui à cause d'un ta'wil pense que l'adoration d'un autre qu'un autre qu'Allah mérite d'être adoré, eh bien il sort de l'islam. Ou bien qu'il y a une adoration qu'un autre qu'Allah mérite, ou bien il sort de l'islam même si c'est à cause d'un ta'wil. Alors, une chose qui ne diffère pas chez un seul prophète, c'est l'interdiction du shirk. L'interdiction du shirk. n'y a pas un seul prophète qui a différé à ce sujet-là. Celui qui conteste l'interdiction du shirk, c'est un mouchrik. Il n'a pas désavoué le shirk et il ne fait partie de la religion d'aucun prophète. Vous êtes d'accord avec moi sur ça, sur ce point ou pas? Donc, celui qui pense que ce n'est pas interdit de demander le secours des morts, qui pense que ce n'est pas interdit de demander la guérison aux morts ou à un autre qu'Allah Azzawajal, ou celui qui pense que ce n'est pas interdit d'invoquer un autre qu'Allah Azzawajal dans ce que seul Allah Azzawajal peut donner, celui qui pense que ce n'est pas interdit d'offrir des sacrifices à un autre qu'Allah, celui qui pense que ce n'est pas interdit de suivre un autre prophète que Mohammed alayhi salatu wa salam, celui qui pense que c'est pas interdit de juger d'après d'autres lois que celle de la charia, etc. Celui-là, il s'est opposé à celui qui pense que c'est pas interdit de recourir à la justice du tarout, etc. Celui-là, donc, il s'est opposé à la racine de l'islam. La racine même de l'islam. Donc il n'est en rien musulman. Par contre, est-ce que le fait de croire en l'interdiction du shirk, en l'interdiction de faire du shirk de manière générale, mais de croire que c'est permis dans un cas particulier, est-ce que ceci ça fait partie du fondement de la religion ou non? Le fait de croire qu'il est permis de faire du shirk dans un cas particulier ou dans certains cas particuliers, est-ce que ceci fait partie du fondement de la religion ou non? Est-ce que c'est une chose où tous les prophètes ont tous toujours été d'accord ou non? C'est-à-dire, est-ce que tous les prophètes ont tous eu la même loi à ce sujet, ou bien est-ce que entre certains prophètes il y a eu des différences au sujet des lois, c'est-à-dire sur le fait de croire qu'il soit permis de faire du shirk dans certains cas? C'est-à-dire de faire du shirk sans en être satisfait, mais de le faire dans certains cas où Allah Azza wa Jalla a permis de le faire. Est-ce que ça c'est une chose qui est la même chez tous les prophètes ou non? Je laisse le temps d'intervenir à ceux qui veulent intervenir. Il y a ceux qui sont raidés, ils répondent pas tout simplement. Les personnes qui ont des raids, ben, ils répondent pas, c'est tout. C'est pas moi de toute façon qui décide qui est-ce qui a un raid ou pas, c'est le modérateur du salon qui le fait. Et c'est à lui il déraide qui il veut. Donc pour ceux qui savent répondre, pour ceux qui peuvent répondre, est-ce que le fait que le shirk soit permis dans certains cas, tout en sachant qu'il est interdit à la base, qu'en principe le shirk est totalement interdit et qu'en principe celui qui fait du shirk sort de l'islam, ça c'est une chose évidemment qui est pareil chez tous les prophètes, mais est-ce que le fait que le shirk soit permis dans certains cas particuliers où Allah Azza wa Jalla a permis dans certains cas de faire du shirk, est-ce que ceci c'est la même chose chez tous les prophètes ou bien c'est pas la même chose chez tous les prophètes? Est-ce qu'il y a certains prophètes qui ont eu d'autres lois que d'autres à ce sujet? Est-ce que quelqu'un peut donner une réponse à ce sujet? Et donc la question, Nassal al-Haq, c'est de savoir, est-ce que le fait que le shirk, qu'Allah Azza wa Jalla ait permis de faire du shirk dans certains cas, est-ce que ça c'est une chose qui est pareille chez tous les prophètes, ou bien c'est une chose où certains prophètes ont eu différentes lois à ce sujet? Le fait de la permission du shirk dans certains cas, tout en ayant pour principe de base que le shirk est interdit et que celui qui le fait à la base sort de l'islam. Oui, est-ce que le ikrah, donc est-ce que la contrainte, c'est une chose qui a existé chez tous les prophètes, ou bien c'est une chose qui est, les prophètes, ils ont eu des lois différentes au sujet du ikrah? Est-ce que tous les prophètes, alayhim salam, avaient dans leur loi la permission de faire du shirk sous la contrainte? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Je crois que c'est pour toutes les populations. Est-ce que ce verset, c'est une preuve que c'est permis de faire du shirk sous la contrainte? C'est-à-dire que ce même verset, excuse-moi, mais il est également pris comme dalil pour la nécessité, donc c'est pas un dalil sous la contrainte. Si jamais je suis menacé d'être expulsé de ma maison, si jamais je ne rase pas ma barbe, ce verset il est tout à fait une preuve pour moi, que pour me permettre de raser ma barbe. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ça rentre aussi dans ce qui est une ce qui est pénible. C'est pas uniquement sur la contrainte ceci. Le verset qui permet de faire du shirk sous la contrainte, c'est pas ce verset là, c'est illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Et quant à la permission de faire du shirk sous la contrainte, ça n'a pas été la loi de tous les prophètes. Certains prophètes n'avaient pas le droit de le faire. Et les ulama ont parlé de cela et ont expliqué que tous les prophètes n'avaient pas cette loi. Certains ont mentionné l'histoire de Ashab al-Ukhdud dans Surat al-Buruj. Donc ce peuple qui a dû se jeter dans le feu, dans le brasier, et n'avait pas le droit de faire du shirk sous cette contrainte. Il y a aussi donc le hadith, certains ulama expliquent le hadith de donc lorsqu'un homme devait passer par un village, et ce village ne laissait passer personne tant qu'on ne faisait pas une offrande à une c'est qu'il est daïf, s'il est daïf, c'est une autre question. Mais je parle du fait que certains ulama entre autres se sont basés sur ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ulamas, et les ulamas parlent du fait que donc la contrainte n'était pas une excuse pour certains autres prophètes. Et c'est un exemple parmi d'autres. D'accord ? Même si celui-là il est daïf, il y a d'autres exemples. Entre autres l'histoire d'Ashab al-Ukhdud. Mais aussi, donc, selon ceux qui voient ce hadith sahih, donc il y en a qui considèrent donc, que cet homme, lorsqu'il a dit « je n'ai pas de quoi sacrifier », ils l'ont dit, sacrifie même une mouche, et il a sacrifié cette mouche et il est allé en enfer pour ça. Alors que l'autre, lorsqu'il a refusé donc de sacrifier, ils l'ont tué. Donc il y en a certains ulama, après de voir si leur avis était juste ou non à ce sujet, sur comment ils ont, qui ont dit donc sur base de ça, vu que la personne était visiblement sous menace de mort, mais malgré ça elle est allée en enfer, cela prouve que à cette époque la contrainte n'était pas encore permis pour eux. Mais ça c'est ceux qui voient ce hadith authentique et la façon dont ils le comprennent. Mais sinon, à part ce hadith mis à part, il y a d'autres preuves que certaines personnes n'avaient pas droit à la contrainte. Aussi, entre autres, je pense la femme de, aussi plus c'est la femme de Pharaon ou la servante de Pharaon qui a dû se jeter aussi dans le feu de l'enfer. Dans le feu qu'avait fait le pharaon. Elle n'a pas eu le droit non plus, donc de refuser. D'ailleurs, je pense même que son bébé, par miracle, donc lui a dit de se jeter en enfer, de se jeter dans le feu, dans le brasier, et que de toute façon, et comme ça, Allah Azzawajal lui pardonnerait, etc. Il y a d'autres preuves. Donc, la permission de faire du shirk sous la contrainte, ça n'existait pas dans certaines autres lois. Et on peut aussi le voir dans Surat al-Kahf. Wallahu a'lam. Lorsque les gens d'Al-Kahf, ils avaient dit, si vous retournez dans votre peuple, ils vont soit vous faire revenir sur votre religion, soit ils vont vous lapider. Et si jamais après vous êtes fait la, si jamais sous la lapidation vous, vous revenez, vous ne réussirez jamais, etc. Il y a plusieurs preuves qui indiquent, et je ne les ramène pas tous ici, que la permission de faire du shirk sous la contrainte n'existait pas chez certains autres prophètes. Donc, le principe de l'interdiction du shirk, ça, c'est, il est le même chez tous les prophètes. Et puis après, le fait qu'Allah Azzawajal permette de le faire dans certains cas, ça ne fait pas l'unanimité chez tous les prophètes. Ça ne fait pas l'unanimité chez tous les prophètes. Certains prophètes n'avaient pas droit à faire, n'avaient pas dans leur loi la permission de faire du shirk sous la contrainte. Et à partir du moment où c'est une chose qui diffère de prophète en prophète, c'est que connaître ces choses-là ne fait pas partie du fondement de l'islam. Le fait de savoir que seule la contrainte permet de faire du shirk, ce n'est pas un fondement de l'islam, c'est une chose qu'on ne peut savoir qu'après qu'Allah Azza wa Jalla nous l'ait informé. Ce que par contre, Allah A'lam, tu peux, je pense, je suis plus vraiment sûr, mais peut-être que si tu vas dans les charges de Kitab Tawhid, justement sur le hadith de la mouche, certains ont probablement parlé de ça. Et même, tu peux revenir au tafsir de Ashab al-Ukhdud, etc. Des livres en particulier, mais Inch'Allah, je veillerai à rapporter plus de précisions à ce sujet. Inch'Allah. C'est pourquoi l'obligation, ce qui fait partie du fondement de la religion, c'est que l'homme sache que, jusqu'à preuve du contraire, lorsque quelqu'un fait du shirk akbar, il sort de l'islam, sauf s'il a une preuve qu'Allah Azzawajal, dans ce cas-là, a permis de le faire. Ça, c'est ce que doit croire le musulman. C'est qu'à la base, il n'a pas le droit de faire du shirk akbar tant qu'il n'a pas une preuve qui lui prouve qu'Allah Azzawajal lui a permis de le faire. Et aussi, ce que le musulman se doit de faire, c'est de bannir de l'islam toute personne qui fait du shirk sans qu'Allah ait permis de le faire. C'est-à-dire, nous, il nous est obligatoire, de par notre foi, de sortir de l'islam toute personne qui fait du shirk tant qu'Allah n'a pas permis de le faire. Et nous savons, de par notre connaissance, qu'Allah Azzawajal ne l'a permis que dans un seul cas, c'est sous la contrainte. Donc nous, de par notre ilm, nous bannissons de l'islam toute personne qui fait du shirk sans y avoir été contraint, quel que soit ce qu'a cru la personne qui l'a fait, même si la personne croyait qu'elle avait le droit de faire ce shirk. Même si cette personne pensait qu'elle avait le droit de faire ce shirk, on la sort de l'islam si elle fait du shirk sans y être contraint. Et la raison pour laquelle on la sort de l'islam, c'est parce que elle a fait du shirk. Parce qu'elle a fait du shirk sans y être contraint. C'est pour ça qu'on le sort de l'islam. Sans prêter d'importance à ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas. Ça, c'est le principe de base de tout musulman. Donc Nasser al-Haq, on avait parlé de ce que tu mentionnes là lorsqu'on a parlé du cours sous la contrainte. Je sais pas si Muslim 475 est là. Donc lorsqu'on avait parlé des conditions de la contrainte, il y a que tu ne dois pas faire plus que ce que te demande le mouchrik de faire. Tu ne peux faire que ce, tu ne dois te limiter qu'à faire ce qu'il t'a demandé. Si tu fais plus, cela prouve ton accord sur ce que tu fais, ton agrément. Mais pour ne pas défier du sujet. Donc Nasser al-Haq, on avait fait tout un cours qui avait plus ou moins détaillé les conditions de la contrainte, d'accord. C'est pour ça que je ne veux pas me répéter, parce que c'est pas le sujet. Donc nous, à la base, on doit croire, et Salah, je sais pas si tu m'entends, mais c'est important. Donc c'est que nous, sur base de ce qu'Allah nous a enseigné, on considère que toute personne qui fait du shirk sans qu'Allah n'a permis de le faire, il sort de l'islam. Et nous savons que le seul moment où Allah a permis de le faire, c'est sous la contrainte. Puis après vient l'autre sujet, c'est le sujet de est-ce que le fait. Maintenant, c'est très important que vous fassiez attention à ce que je vais vous dire à ce moment, à cette précision que je vais faire maintenant. C'est que là, on ne va pas parler de celui qui fait du shirk, on parle de celui qui ne fait pas de shirk. Qui ne fait pas de shirk. Mais qui pense qu'Allah a permis de faire du shirk dans une certaine situation, en ayant mal compris un hadith ou en ayant mal compris un verset. Et ils pensent que dans cette situation là, là Allah Azza wa Jalla a permis de faire du shirk sans pour autant qu'il en fasse. Mais ils pensent que dans cette situation là, Allah Azza wa Jalla a permis de faire du shirk parce qu'il a mal compris un hadith par exemple. Est-ce que ceci annule le fondement de la religion? Est-ce que ceci consiste à adorer un autre qu'Allah Azza wa Jalla d'avoir mal compris ce verset? Ou bien est-ce que ceci concerne une branche de la religion? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse à ce que j'ai dit? Nasser al-Haq nous dit Muta'awil, Allah peut le pardonner. Est-ce que tu parles du Muta'awil même pour celui qui fait du shirk akbar? Nasser al-Haq, on avait fait une différence entre, dans les cours, on avait fait une différence entre ce qu'on appelle le ma'aloum min ad-din bid-darura et entre ce qu'on appelle le asl du tawhid. Le asl du tawhid, c'est toute personne qui ne le concrétise pas, il n'est pas musulman, même s'il venait de se convertir à l'islam. Par contre, ce qu'on appelle le ma'aloum min ad-din bid-darura, c'est une chose qui inclut même des choses qui ne font pas partie du fondement de la religion. Par exemple, l'interdiction de l'alcool, c'est une chose qu'on appelle qui est ma'loum min ad-din bid-darura. L'interdiction de l'alcool en islam, c'est quelque chose de ma'loum min ad-din bid-darura. Oui ou non, Nasser al-Haq? D'accord avec moi ou pas que l'interdiction de l'alcool, c'est une chose en islam qui est ma'loum min ad-din bid-darura? Est-ce que l'interdiction de l'alcool fait partie du fondement du tawhid sans lequel le tawhid ne peut être valable? La réponse est non, puisqu'au début de l'islam, au début de la prophétie, l'alcool n'était pas interdit. Donc si on venait à dire que sans l'interdiction de l'alcool, l'islam ne peut exister, ça voudrait dire que tant qu'Allah n'avait pas interdit l'alcool, en fait personne n'était musulman. Le prophète, les compagnons... Ben, tant que Allah ne leur aurait pas enseigné l'interdiction de l'alcool, ils n'étaient pas musulmans. C'est impossible, on ne peut pas dire une chose pareille. Donc ça prouve que l'interdiction de l'alcool ne fait pas partie du fondement de l'islam. Ça n'est pas partie du fondement du tawhid sans lequel le tawhid ne peut être valable. Mais pourtant ça fait partie du ma'loum min ad-din bid-darura, parce que c'est devenu quelque chose de, qui est élémentaire chez tous les musulmans. C'est une interdiction qui est devenue extrêmement connue chez les musulmans. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le ma'loum min ad-din bid-darura et entre le fondement du tawhid. Le ma'loum min ad-din bid-darura, premièrement, c'est une chose qui est relative. D'accord? C'est quelque chose qui est relatif. Une chose, elle peut être ma'loum min ad-din bid-darura dans certaines époques, dans certains endroits, et ça peut être quelque chose de khafi, donc de complexe et d'inconnu, dans d'autres régions et à d'autres époques. Ben, par exemple, on aurait vécu, il y a des choses que pour quelqu'un qui vient de se convertir à l'islam, c'est pas du tout élémentaire, il a pas appris certaines choses, alors que pour d'autres personnes, c'est des choses qui sont vraiment élémentaires, ça fait vraiment longtemps que tout le monde est au courant de ça, et comment est-ce qu'on peut ignorer une chose pareille? Il y a des choses, c'est vraiment relatif, ça dépend d'une personne à l'autre. Et le shirk akbar, c'est la même chose, il y a des gens qui ne voient pas certaines formes de shirk akbar, qui l'ignorent, ça leur échappe, mais pourtant, ça fait pas de démusulmans, il y a une différence. Le ma'loum min ad-din bid-darura, ça inclut le shirk et ça inclut ce qui est moindre que le shirk. Et le shirk akbar, des fois, il y a des choses qui sont que ça échappe à certains mushrikoun, ils ignorent que ce qu'ils font est du shirk. Ça leur a échappé et ça ne fait pas de des musulmans. Donc on ne dit pas ici ils sont excusés par l'ignorance. Et malgré que leur chose n'est pas ma'loum min ad-din bid-darura par rapport à eux. C'est-à-dire par rapport à eux, c'est pas quelque chose qu'ils ont connu, parce que les explications ne leur sont pas venues, et ça arrivait à certaines personnes, et particulièrement par exemple Adi ibn Hatim, qui ignorait que le fait de suivre les ulama dans le tahlil et dans le tahrim, il ignorait que c'était une ibada, il ignorait ça, il ne le savait pas, et puis le prophète alayhi salatu wasalam le lui enseignait. Mais cette chose, elle, à une autre époque, c'est quelque chose de ma'loum min ad-din bid-darura. Mais dans tous les cas, que ce soit ma'loum min ad-din bid-darura ou pas, en fonction de la période ou pas, celui qui obéit aux ulama dans le tahlil et dans le tahrim, c'est un mushrik, même si la chose ne lui était pas claire, parce qu'il n'a pas concrétisé le tawhid. Donc il faut faire la différence entre les deux choses. Il faut faire la différence entre les deux choses. Maintenant, pour revenir au ta'wil, celui qui a un ta'wil, on a vu le ta'wil, ça peut être dans deux choses. Soit le ta'wil qui lui fait faire du shirk, on peut dire que le ouz bil jahl est devenu très serré car il y a plus de moyens de le savoir, le ilm par les livres et internet. Pour certaines choses, oui, pour d'autres, non. Pour certaines choses, oui, pour d'autres, non. Il y a certaines formes de shirk akbar que même sur internet et tout ça, c'est des choses que beaucoup de gens n'ont pas pu s'imaginer, malgré que ce sont des gens qui à la base font des recherches et ça les fait sortir de l'islam. Mais il se peut qu'Allah Azzawajal les ressuscite avec les gens de la fitra, malgré qu'ils ont vécu alors qu'ils avaient internet et des livres autour d'eux. C'est possible qu'il y ait des gens qui n'aient vraiment pas compris certaines choses alors qu'ils essayaient de comprendre. Tu ne m'entends pas, Nasser al-Haq? Il n'y a pas de son? Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a du son? Nasser al-Haq, tu m'entends ou pas? Donc maintenant, pour en revenir, juste pour essayer d'en finir, pour que vous sachiez exactement où je veux en venir, au sujet de, donc, est-ce que celui qui a mal compris un verset ou qui a mal compris un hadith, celui qui a mal compris un verset ou qui a mal compris un hadith, et il pense que ce verset ou ce hadith prouve que dans une telle situation bien particulière, Allah Azza wa Jalla a permis de faire du shirk sans autre que la contrainte, et il pense que ce hadith il indique ça sans pour autant faire du shirk pour lui-même, mais il pense juste qu'il y a un hadith qui le prouve sans que lui il en fasse. Est-ce que par cette compréhension là, est-ce qu'il est devenu un mushrik ou pas? Pour en revenir, donc on avait vu, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait la différence entre le shirk akbar et le kufr akbar. Vous vous souvenez qu'on avait fait la différence entre le shirk akbar et le kufr akbar? Le shirk akbar, c'est le fait d'adorer un autre qu'Allah ou de mettre un autre qu'Allah à l'égal d'Allah Azza wa Jal. Vous vous souvenez de cette définition? Muslim 475, c'est là? Toujours? Les autres, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous vous souvenez de la définition? On avait fait la différence entre la définition du shirk akbar et du kufr akbar. Le shirk akbar, c'est le fait de mettre un égal à Allah Azza wa Jal. Et le kufr akbar, c'est le fait de rejeter la vérité quand elle parvient. De rejeter donc la parole d'Allah ou de son messager après qu'elle soit parvenue. Ça, c'est le kufr. Soit par orgueil, soit par démenti. Alors maintenant, celui qui comprend mal un verset ou un hadith et qui pense que ce verset ou ce hadith permet de faire du shirk dans un cas bien particulier. Donc pas, on ne parle pas de celui qui croit que le shirk c'est halal, donc il ne pense pas que c'est haram. Ça, on avait dit, celui-là il s'oppose à tous les prophètes, ça c'est sûr et certain. Maintenant on parle de celui qui a mal compris un verset et qui pense que dans ce verset Allah Azza wa Jalla a permis dans un cas particulier autre que la contrainte de faire du shirk en ayant mal compris, sans pour autant faire du shirk. Est-ce que cette personne-là, elle a mis un égal à Allah, ou bien est-ce qu'elle a contredit la vérité? Est-ce qu'en ayant mal compris ça, est-ce qu'elle a donné un égal à Allah Azza wa Jal? Et si jamais on dit oui, elle a donné un égal à Allah Azza wa Jal, j'aimerais qu'on me dise c'est quoi cet égal qu'il a donné à Allah Azza wa Jal. En fait, là, vu que je vois que personne ne répond, une personne qui a mal compris ce texte ou ce hadith et pense que ce texte ou ce hadith si jamais il a mal compris ce hadith et pense que ce hadith prouve que dans telle situation, par exemple, il pense qu'il y a un hadith qui prouve que tu as le droit de faire du shirk si jamais on doit t'expulser de ta maison, par exemple. et que tu risques de te retrouver à la rue, toi et toute ta famille, et il pense qu'il a, il a compris d'un hadith ou d'un verset, il pense que ce hadith et ce verset, il prouve que si tu te retrouves dans telle ou telle situation, tu as le droit à ce moment-là qu'Allah Azzawajal t'a permis dans cette situation-là de faire du shirk, de faire semblant de faire du shirk. Celui-là, est-ce qu'en... mais par contre, attention, et je rappelle, il croit ça, mais sans pour autant le faire. Il ne le fait pas, il n'est pas en train de le faire. Mais il croit que s'il se retrouvait dans telle situation, il aurait le droit de le faire. Celui-là, est-ce qu'il est coupable de shirk? Est-ce qu'il adore un autre qu'Allah Azzawajal en faisant ça ou pas? La réponse est non. Il n'adore pas un autre qu'Allah puisqu'on a dit qu'il ne fait pas ce shirk. Donc, cette personne-là, il est plutôt comme celui qui rend halal ce qu'Allah a rendu haram. C'est-à-dire, Allah Azzawajal a rendu haram de faire du shirk ailleurs que sous la contrainte. Ça, c'est ce qu'Allah Azzawajal, ça, c'est ce qu'Allah Azzawajal a interdit. Et il a considéré que celui qui le fait sans y être contraint, il sort de l'islam. Et attention, et c'est très important de le souligner, ce verset man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, c'est-à-dire celui qui mécroit en Allah après avoir cru sur celui qui est contraint. Ce verset, il parle de celui qui mécroit dans ses actes extérieurs et non pas dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal a fait exception de la contrainte, et la contrainte à la base n'existe pas pour le cœur. On ne peut pas contraindre quelqu'un à croire quelque chose ou à croire en la mécréance. Donc celui qui, donc le, ce verset parle de celui qui fait du shirk sans y être contraint, et non pas de celui qui croit en du shirk sans y être. Celui qui croit en la validité du shirk ou autre, celui-là il sort de l'islam automatiquement. Nous on parle de celui qui croit en l'invalidité du shirk, mais qui pense qu'Allah Azzawajal l'a permis dans telle ou telle situation. Nous, par exemple, si Allah Azzawajal nous avait pas parlé dans ce verset de la permission de faire du shirk sous la contrainte, on nous a permis de faire du shirk sous la contrainte, et on aurait été obligé de croire que celui qui fait du shirk sous la contrainte, il sort de l'islam. Mais comme Allah Azzawajal nous a informé du contraire, on croit en Allah et en son messager. Et bien de même, si une personne comprend d'un verset ou d'un hadith qu'Allah Azzawajal a permis dans telle situation de faire du shirk, celui-là, il est exactement comme ce, comme Qudama ibn Maz'un qui a cru qu'Allah Azzawajal dans telle situation avait permis de boire du vin. Parce que le fait de savoir si la contrainte ou pas permet de faire du shirk, ça ne fait pas partie du fondement de la religion. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas partie du fondement de la religion? Bien parce que ça n'existait pas chez tous les prophètes. C'est une chose qui a existé chez certains prophètes et pas chez d'autres. Ce qui existe par contre chez tous les prophètes, c'est de l'interdiction du shirk, le principe de l'interdiction du shirk. C'est-à-dire le fait de croire qu'à la base le shirk il est interdit et invalide, et de le détester. Et puis Allah Azzawajal a permis à cette umma de le faire sous la contrainte. Donc, celui qui permet de, qui croit que cette terre qu'Allah Azzawajal a permis de faire du shirk dans une certaine situation, alors qu'en réalité Allah Azzawajal ne l'a pas permis, donc, mais qu'il a mal compris un texte, il est comme celui qui a cru qu'il était permis dans certaines situations de boire du vin, mais il a mal compris à cause qu'il a mal compris un texte. Et il a cru donc que c'était permis. Celui-là, on doit donc lui faire iqamatul hujja, et si après ça il continue, il devient un apostat et il est obligatoire de le condamner comme tout autre apostat. Donc, celui qui pense que c'est permis de faire du shirk sans y être contraint, il faut lui faire iqamatul hujja, et s'il persiste après iqamatul hujja, on le bannit de l'islam et il devient apostat. C'est pourquoi les shirks qui permettent de faire le tahakkum ila at-taghut en cas de nécessité, cela, leur fatwa est du kufr akbar. Et c'est comme si un shirk permettait de boire du vin en cas de nécessité. Afwan, non, parce que c'est permis de boire du vin en cas de nécessité, d'après plusieurs. C'est comme celui qui croit que c'est permis de boire du vin lorsqu'on est pieux et qu'on fait des bonnes actions, etc. C'est de la mécréance majeure, parce que tu rends halal ce qu'Allah a rendu haram. Mais comme on avait vu, donc le fait de rendre halal ce qu'Allah a rendu haram, si c'est à cause d'une mauvaise compréhension ou d'une ignorance, cela ne fait pas sortir de l'islam jusqu'à ce que la science soit parvenue. Et que, et si, en fonction de savoir si c'est une chose élémentaire ou non. Donc, celui, les shirks qui permettent de faire du shirk sans y être contraint, mais en disant que c'est permis sous la nécessité, en admettant le principe de base de l'interdiction du shirk et de son invalidité, mais qui disent que la nécessité permet de le faire, ceux-là, après Qamat al-Hujja, ce sont des mécréants. Et il est arrivé à certains salaf même de diverger sur la réalité de la contrainte. Certains, par exemple, salaf pensaient et étaient d'avis que la contrainte c'est uniquement sur la parole mais jamais sur l'acte. Donc d'après eux, celui qui se prosterne pour une idole sous la contrainte, c'est un mouchrik pour eux. Par contre, si on lui demande de dire quelque chose sous la contrainte, là il peut le faire. C'est l'avis de certains ulama. Certains salafs croyaient que ça ne s'appliquait que sur la parole et pas sur l'acte. Et d'autres qui considéraient que c'était sur l'acte, mais ils ont divergé sur les limites de cette contrainte. Certains considéraient la prison comme en étant une, et d'autres n'ont pas considéré la prison comme étant une. Certains considéraient les coups de bâton et les coups de fouet comme étant une contrainte, et d'autres non. D'accord ? Donc le fait d'avoir de mal interpréter ce genre de choses ne fait pas sortir d'islam. Ce qui fait sortir d'islam, c'est soit de croire en la validité du shirk, et de croire que le shirk c'est halal. Ça ne fait aucun doute que celui qui croit que le shirk est halal et qui croit que le shirk n'est pas quelque chose d'invalide, il sort de l'islam. Ça c'est clair et net. Il n'est pas musulman, même s'il est ignorant ou quoi que ce soit. Et puis on parle de celui qui connaît l'interdiction du shirk et qui connaît le principe que à la base celui qui fait le shirk, il sort de l'islam, mais qui pense qu'Allah Azzawajal l'a permis dans telle situation car il a mal compris un verset ou un hadith. Celui-là, à la base, il faut lui faire Qamat al-Hujja, et puis si après Qamat al-Hujja il continue, il sort de l'islam pour avoir rendu halal ce qu'Allah a rendu haram, pour avoir rejeté la vérité lorsqu'elle lui parvient. C'est pourquoi donc les shirks qui ont permis de faire du shirk sous la nécessité, cela donc leur fatwa est du kufr akbar et il faut leur faire Qamat al-Hujja, et si après ça ils continuent, ce sont des apostats. Mais il y a une différence entre celui qui donc, mais par contre, excusez-moi, si jamais une personne fait du shirk en croyant qu'Allah Azzawajal le lui a permis dans cette situation là celui-là il sort de l'islam même sans lui faire Qamat al-Hujja. Il n'a pas besoin de lui faire Qamat al-Hujja, il sort de l'islam. Pourquoi est-ce que là je fais une différence? Parce qu'ici nous parlons de celui qui fait du shirk en pensant qu'Allah Azzawajal lui a permis cette situation là nous on doit lui appliquer le jugement d'Allah, et le jugement d'Allah c'est que celui qui fait du shirk extérieurement sans y être contraint, il sort de l'islam. Et donc nous on se doit de lui appliquer le jugement d'Allah, même s'il a cru autre chose. Nous on le sort de l'islam parce que il a fait du shirk sans y être contraint. Et Allah Azzawajal a dit: man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman. Celui qui mécroit Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure serein sur la foi. Ce verset donc, comme je le répète, il parle de celui qui mécroit Allah dans ses actes, parce qu'après Allah Azzawajal a parlé de celui qui est contraint alors que son cœur demeure serein sur la foi. La contrainte à la base ne peut pas se rattacher au cœur, ça ne peut se rattacher que sur les paroles et les actes. Donc on parle de celui qui, par ses paroles et ses actes, fait du shirk ou du kufr akbar sans y être contraint. Celui-là, il sort de l'islam, même s'il croyait qu'Allah Azzawajal lui avait permis. Donc, celui qui fait du shirk akbar, nous le sortons de l'islam. Celui qui ne fait pas de shirk akbar, mais qui ignore à partir de quand est-ce qu'Allah Azzawajal l'a permis ou non, ou bien qui pense qu'Allah l'a permis dans telle situation ou pas, celui-là, il faut lui faire Iqamat al-Hujja. Car sa mécréance ici, elle consiste non pas à donner un égal à Allah Azzawajal ou à adorer un autre qu'Allah, mais elle consiste à contredire la loi d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire les limites qu'Allah Azzawajal a placées pour la permission de faire du shirk. Et ces choses-là, eh bien, l'être humain n'est pas capable de le connaître de par lui-même. Il ne peut le connaître qu'après qu'Allah l'en ait informé. Donc, Si jamais Allah Azzawajal a informé que la contrainte le permet, nous sommes obligés d'y croire. Et si une personne pense qu'Allah Azzawajal l'a permis dans un autre hadith, il ne peut pas faire autrement que de croire en ce qu'il a cru comprendre de ce hadith. Et celui-là, eh bien, si jamais il croit ça, et bien s'il croit ça, vu qu'il s'oppose à l'unanimité catégorique de l'interdiction de faire du shirk sans y être contraint, donc si jamais c'est une personne qui peut ignorer cette chose-là parce qu'il vient se convertir à l'islam, ou parce qu'il a une ambiguïté qui lui a pris, ou autre chose, parce qu'il a trouvé celui-là, il faut lui faire Qamat al-Hujja, et après Qamat al-Hujja, s'il continue, ça devient un apostat. Quant au fait de dire que c'est un sujet à ijtihad, ça c'est, il ne faut aucun doute que c'est une erreur. Si c'était un sujet à ijtihad, vous savez bien que lorsque Qudama, ce serait la même chose que de dire que Qudama ibn Mad'un, lorsqu'il a permis de boire du vin lorsqu'on est pieux, c'est comme si on disait que lui aussi c'était son ijtihad. C'était pas son ijtihad. Si c'était une question d'ijtihad, les sahaba, ils auraient jamais été tous d'accord pour dire que s'il revenait pas, on le condamne à mort en tant qu'apostat. Parce qu'à la base, le mujtahid, est-ce qu'on le condamne à mort ou bien est-ce qu'il a une récompense au contraire? À la base, le mujtahid, s'il se trompe, il a une récompense, il n'est pas condamné à mort. Donc ce genre, si jamais on n'est pas excusé par l'ijtihad de croire qu'Allah a permis de boire du vin quand on est pieux, que dire de celui qui croit qu'Allah azawajal a permis de faire du shirk lorsqu'on n'y est pas contraint? Il ne faut aucun doute que ce n'est pas une question à ijtihad. Et qu'Abu Muhammad Mardisi, lorsqu'il a dit que ceux qui ont rendu halal le tahakkum et la tarout en cas de nécessité, il ne faut aucun doute que ce n'est pas un ijtihad, mais au contraire, c'est un dalal évident, c'est du kufr akbar. Cette parole est du kufr akbar. Donc le fait de permettre de faire le tahakkum et la tarout sans y être contraint, c'est du kufr akbar. Et ceux qui le disent après l'Iqamatul Hujja sortent de l'islam, tout comme celui qui permet de boire du vin lorsqu'on est pieux ou autre. Voilà, ça c'est la réponse à cette question là. Je vais arrêter là. Je voulais juste dire que la semaine, il y a deux semaines plus ou moins, donc quand j'avais discuté de ça sur l'autre salon avec Tawhid Jihad, là je sais plus, donc ils m'avaient accusé de mécréance pour avoir dit ce que j'ai dit aujourd'hui. Ils m'ont accusé donc d'être sorti de l'islam. Donc après j'ai eu une discussion, donc j'en ai parlé avec Cheikh Abu Mariam, et donc je lui ai dit que voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire là, et ils m'ont accusé donc, parce qu'ils ont dit que quand j'ai dit ça, ben j'ai invalide, j'ignore le fondement de la religion. Et alors donc j'ai dit à Abu Mariam, est-ce que ce que j'ai dit là invalide le fondement de la religion? Et le Cheikh donc a dit que ça n'invalide évidemment pas le fondement de la religion. Et si je dis ça, c'est parce que le Cheikh l'a dit évidemment, mais parce que tout simplement à la base il n'y a aucun dalil qui me prouve que connaître cette chose là fait partie du fondement de la religion. Mais je l'ai fait juste pour ne pas que on croit que c'est moi qui invente des choses, d'accord. C'est une chose que même Cheikh Mukhlif a expliqué dans plusieurs de ses risalas, ce que je viens d'expliquer là. Puis par la suite il a changé d'avis sur certains sujets, mais pas à ce sujet là. Afwan, si, il a changé d'avis au sujet de certaines choses à ce sujet-là, mais il ne considère pas que celui qui le contredit là-dedans, donc qui dit ce que j'ai dit aujourd'hui, il ne m'a pas jugé mécréant pour ça, et il ne considère pas, il m'a dit ça n'invalide évidemment pas le fondement de la religion. Et donc, ceux qui m'ont banni de l'islam pour ça, ben qu'Allah azawajal les guide et nous guide tous. Et Allahu A'lam. Et ce que j'ai dit, je l'ai dit en fonction de ce que je connais du Coran, de la Sunna et de ce que les ulama ont dit. Et on continuera le cours une autre fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Non, je jure par le jour de la résurrection. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. يسأل أيان يوم القيامة. Il interroge. À quand le jour de la résurrection? Lorsque la vie sera éblouie, et que la lune s'éclipsera, et que le soleil et la lune seront réunis. L'homme, ce jour-là, dira, où fuir? كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour.